2. C. 1. Pardon, madame. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je cherche la rue de l'Odéon. C'est juste à côté. C'est la rue qui monte, sur votre droite, là-bas. 2. Une baguette et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Ce sera tout, monsieur? Oui. Eh bien, ça vous fait 3,15 €, s'il vous plaît. Tenez. Voici votre monnaie. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. 3. Allons, Yvon, c'est Jamel. Salut, quelle surprise! Tu es où? À Bastille. On peut se voir? Je veux te raconter un truc. Bien sûr. On se retrouve dans une heure, si tu veux. Je vais justement vers là-bas. Ça marche. Appelle-moi quand tu arrives. Ciao. Allez, à plus.